En Corée, la sécheresse frappe la région sud du centre du littoral ouest de la Corée et les efforts sont déployés pour remédier aux dégâts. À la province du Fang et du Sud, on a restauré plus de 11 500 puits, plus de 1 600 poches d'eau, des centaines de puits en tube, des dizaines de réservoirs d'eau souterraine et plus de 1 630 barrages. Tous les jours, on effectue l'arrosage et la fertilisation foliaire pour les champs et rizières qui souffrent de la sécheresse en mobilisant beaucoup de main-d'œuvre, des milliers de matériaux de transport et toutes les petites pompes. Les fermes de la ville de Pyongyang ont réparé et mis en ordre les puits et ceux en tube pour l'arrosage. Elles mobilisent toutes les installations d'arrosage. Et simultanément, on utilise également les engrais de substitution et les adjuvants de la croissance qui permettent de prévenir les dégâts de la sécheresse. Dans les fermes de la province du Fang et du Nord, on applique une fois par semaine l'engrais foliaire pour ainsi améliorer la diétothérapie des plantes et utilise les eaux qu'elles ont stockées avec les eaux du canal d'irrigation de la plaine Birou. Par ailleurs, les fonctionnaires des ministères et des établissements centraux et les travailleurs aussi s'engagent dynamiquement à la lutte contre la sécheresse sans précédent.